L'ombre de la France, ha, Melka, un, yo, et yo, yo, face cachée, dévoilée, et yo, l'ombre de la France, yo, yo, dévoile la face cachée, et yo, un, français sur papier, voilà ce que je suis pour eux, fils d'immigrés classés dangereux, un pourri pour eux, voleur, dealer, petit merdeux, les jeunes bronzés gênent, mettent le feu aux poudres. Tous ne sont pas des tendres, cherchent à en découdre pour se faire entendre. Leur tendre la main, c'est les aider donc se vendre. On ne sait quelle partie prendre, quelle partie défendre. V'là ce qui engendre le rejet. Ce qui me donne la rage pour écrire ce sujet. Dire ce que j'ai dans le cœur, ce que je pense en tant qu'étranger. Propager des discours sincères, des messages partagés, jugés nécessaires. C'est dans l'ombre de la France qu'on demeure pour plaire. Un monde sombre, sans lumière, inondé de problèmes en tout genre. Bavures policières, détournement de fond, ainsi font les maires. Carottes profondes, arguments fondés sur le yo, pour sortir de la demeure. L'ombre de la France me suit, est-elle mon amie? Quand extrême droite dit qu'elle est mon ennemi. Ici j'ai grandi, ici règne ma famille, mes amis. Pour me séparer d'elle, faut que je m'oublie. L'ombre de la France me suit, est-elle mon ennemi? Quand un parti au pouvoir dit qu'elle est mon amie. Au lieu d'être soumis, je me méfie, j'ai pas de garantie. Mais l'ombre de la France me suit. Choisir entre qui et quoi, quoi. Réfléchir, dire la réponse, faire un sourire narquois. Cherche pas pourquoi on est là, là. Pourquoi on voit loin. Motivé pour braver les obstacles, sortir du pétrin. Le quotidien train, le quotidien pain, pain. La routine est la même et les victimes sont pleins. Pourquoi on se plaint? Pourquoi on reste enfermé dans notre coin? Coincé en conséquence, aucun futur pour demain. Yo, je me demande dans quelle main sera le pouvoir. Celle d'un bavard, tu sais ça c'est obligatoire. Trop de promesses font des histoires. Je défends mon territoire comme ma poire. Et pour moi et mes sauces recherchent la gloire. À qui la gloire quand savoir dans tous les partis? Qui croire sans garantie? L'anti-étranger tente un danger ressenti. On se contente d'être averti. On se contente d'être averti. L'ombre de la France me suit, est-elle mon ami? Quand l'extrême droite dit qu'elle est mon ennemi. Ici j'ai grandi, ici règne ma famille, mes amis. Pour me séparer d'elle, faut que je m'oublie. L'ombre de la France me suit, est-elle mon ennemi? Quand un parti au pouvoir dit qu'elle est mon ami. Au lieu d'être soumis, je me méfie, j'ai pas de garantie. Mais l'ombre de la France me suit, l'ombre de la France me suit, est-elle mon ami? Quand l'extrême droite dit qu'elle est mon ennemi. Ici j'ai grandi, ici règne ma famille, mes amis. Pour me séparer d'elle, faut que je m'oublie. L'ombre de la France me suit, est-elle mon ennemi? Quand un parti au pouvoir dit qu'elle est mon ami. Au lieu d'être soumis, je me méfie, j'ai pas de garantie. Mais l'ombre de la France me suit. Yo, 1.